Micro ouvert. Un micro ouvert au musée du capitalisme. Et là, je suis obligée de réagir avant la visite pour vous expliquer que là, maintenant, tout de suite, vous allez entendre la fin de ce micro ouvert. Je l'ai mis au début. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, parce que la visite que vous allez entendre pour moi, des fois, énorme. Voilà, est énorme dans le sens... c'est pas un avis différent, hein. Voilà, c'est pas ça la question. C'est pas genre je pense rouge et l'autre pense noir. Et on sait très bien pourquoi l'autre il pense noir, pourquoi je pense rouge. Et on est d'accord avec ça. Mais on n'est pas d'accord, on pense pas la même couleur. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas le même avis et on a analysé, on a discuté et voilà, on reste sur nos positions. Tandis qu'ici, c'est comme s'il y avait, pas de profondeur, quoi. Voilà, il n'y avait pas de profondeur. Dire aussi que c'est pas facile de réagir tout de suite sur le vif, hein, ce que vous allez entendre là maintenant. Donc c'est la fin du micro ouvert et puis il y a la visite guidée au musée du capitalisme. Donc j'ai pris la fin, c'est-à-dire que c'est Clément qui fait la visite et à la fin de la visite je suis obligée quand même d'avoir un vis-à-vis avec lui en tête à tête sans personne pour comprendre un peu c'est quoi le sens de sa visite, qu'est-ce qu'il a envie de faire partager, voilà, parce que pour moi c'était pas du tout clair, c'était trop énorme ce qu'il se disait, pour moi pas assez en profondeur quoi, pas assez et puis complètement contradictoire. Donc on s'écoute Clément, avec qui on fait la visite au musée du capitalisme à Saint-Gilles. Moi, je veux te dire, voilà, j'étais avec toi dans la visite et tout ça, et je trouve qu'on est passé très vite. Enfin, pour moi, les choses sont pas du tout claires et il y a plein de moments où il n'y a pas de prise de conscience, en tout cas de partage ici en face du groupe, de parler des gens qui se sont battus pour leurs droits. Tu vois, le capital, oui, tu parles du début du troc, ok, puis après on parle du capital. Tout va très vite, quoi. Il n'y a pas assez de... Mais ici, on est talonné par le groupe derrière, donc je les entends arriver, donc il y a vraiment une exigence de timing qui est vraiment très très forte. Et c'est la nécessité de laisser du temps pour cette salle-ci. Bon, ici, ces dommages sont déjà dissipés, mais... Faire une demi-heure sur les origines et sur qu'est-ce qu'il y avait avant le capitalisme, comment il s'est développé, je pense pas que ça les intéresse beaucoup. Non, c'est pas ça, c'est qu'on passe du monde, tu vois, quand je vais le retenir, j'ai retenu, c'est pour ça que j'en parle, c'est que tu dis vraiment au tout début, dans la première, la salle là-bas, avec la télé, d'un autre, du monde d'avant, c'était pas marrant, on mangeait tout le temps la même chose, blablabla, écoute, hein. Et puis après on passe dans la seconde salle et tu dis oui, il y a les pays, pour finir, l'Afrique et tout, le petit pêcheur, lui son empreinte écologique elle est pas grosse, enfin tu vois on comprend pas parce que d'une main tu dis avant c'était chiant, pas bien, machin, mais le petit pêcheur qui... On comprend pas pourquoi on passe d'un moment, pourquoi il y a besoin de dire qu'avant c'était pas bien. Et aujourd'hui, on comprend pas, tu vois, il y a eu pour moi, regarde, ce que je veux dire, après j'arrête, hein. Il y a eu des gens qui se sont... Bon, il y a le capital, il est là, ok, après ça a pris... une place de plus en plus grande avec cet argent. Il y a les patrons qui profitaient sur la force du travail des travailleurs. Il y a des gens qui se sont battus contre ça. C'est là qu'il y a eu plein de droits qui se sont mis en place. Mais il y a des gens qui sont morts pour ça. Enfin, tu vois, tu n'en parles absolument pas. Et puis on parle... Tu passes très vite de... Enfin voilà, moi si j'étais leur bande, là, j'aurais pas tout compris, quoi. Ouais, c'est ma première visite, je suis pas entièrement satisfait. Mais maintenant, moi, je suis pas là pour leur... Si je devais donner une opinion personnelle, c'est pas du tout celle-là que je donnerais, mais je trouve que c'est... Mais quelle, laquelle ? Parce que laquelle tu donnerais ? Ouais, c'est quoi que tu donnes ? J'en donnerais une différence. Qu'est-ce que je donne ici ? J'essaye de donner une opinion contrastée. Je pense que c'est important, dans la salle Espoir, de quand même représenter ça, de comprendre que le monde... a été métamorphosé par la révolution industrielle et par le capitalisme. Alors après, il a été métamorphosé en mauvais, je suis d'accord, mais la salle limite est là pour le rappeler. Hein. Je pense qu'il... Je suis pas persuadé que les luttes sociales, ce soit quelque chose qui les concerne beaucoup. Mais c'est pas une question que ça les concerne, c'est une question que ça fait partie de l'histoire. Tu sais qu'il y a des gens qui sont... Ouais, c'est vrai enfin, c'est super important. C'est maintenant, un débat on va, en interne sur on ça, va vers un monde où, justement, on est occupé à perdre tous ses droits, à être dans une société comme ça où c'est chacun pour soi. Enfin, tu vois, ça fait une espèce de boucle avec la première petite séance de travail où tu poses plein de questions avec la balance, là. Tiens, on fait les choses pourquoi, au fond, pour le collectif ou pour l'individu. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, ouais, soit. Non, mais non, c'est parce que c'est moi, vrai, c'est des questions qui m'intéressent. Donc j'ai pu me poser plein de questions et je trouve que ça va trop vite, ça va trop vite, voilà. Aussi, mais je pense que c'est pas les bonnes conditions de le faire avec quelqu'un dans son dos. Mais c'est pas contre toi que non, je dis non, ça, non, mais hein, bien c'est sûr, sur, mais moi, c'est sur les idées, sur le partage. Il y a une marge d'amélioration, c'est sûr et certain. Maintenant, je sais pas dans quelle mesure ils étaient disposés, extrêmement bien disposés, à comparer, quoi. Mais... Oui, en tout cas, une volonté que j'ai, c'est de donner une opinion contrastée. Parce que si je me laissais aller à mon opinion à moi, alors peut-être que j'aurais plutôt tendance à aller vers ce que tu disais, mais je pense que ce serait en un sens un aménagement de la réalité. Je pense que c'est important de leur dire que s'ils vivent une vie très très différente aujourd'hui, c'est aussi, c'est très certainement grâce aux luttes sociales, mais eux, ce qui les touche, c'est... caricatural de dire ça, mais le confort matériel, on ne peut pas escamoter cet élément-là. Maintenant, sur les injustices, il y a très certainement moyen d'aller plus loin, ouais, ça c'est sûr. Bah, tu vas y réécouter, tu vas peut-être comprendre quand tu vas te réécouter, de dire, bah ouais, en fait, je dis quelque chose, et puis hop, on passe tout de suite au lait, tu vois, les injustices du lait, mais on ne comprend pas pourquoi il y a les injustices du lait. Comment ça se fait que celui qui est avec sa vache, il se fait arnaquer et il ne touche plus le fruit de son lait, on va dire. Ouais, c'est vrai. Il y a un côté accaparement, non, bien sûr. Il y avait dans le tableau d'entrée, et c'est un élément sur lequel j'aurais sans doute plus insisté, le... Vous avez fini ici avec le... Ouais, bref. Il y avait certainement moyen de réagir encore un petit peu, mais je pense qu'ils ont leur compte. Ouais, tu peux les laisser sortir, ouais. Ils sont libérés, quoi. Ouais, j'ai le sentiment qu'ils avaient été chez Audi avant, et c'est vrai que... Chez Audi ? Ouais, à Audi Forêt. C'est ? Une usine. Ah ! Les voitures Audi ? Ouais. Ok, ça va. Mais Clément, enfin voilà, sans souci, mais par exemple, j'imagine, j'ai vu ici, attends, c'est quoi encore ce mouvement-là ? La vie simple, voilà, survivre, oui, c'est clair. Je les connais, hein, c'est bizarre, je les ai lus, mais... Bon, après, je me pose la question de leur disponibilité dans la mesure où on arrive ici et où ne fût-ce que même pas un va voir la vidéo sur l'ordinateur. Je me dis que s'ils en sont là, c'est qu'ils sont certainement à un niveau de saturation. Maintenant, il y aurait peut-être moyen de les concerner davantage, mais bon. Ah bon, voilà. Ouais, je sais pas. Bah, merci à toi, Clément. Quelque chose à rajouter sur tout ça ? Ouais, que j'ai hâte d'en faire d'autres pour améliorer encore. Mmh. Ouais. En tout cas, Clément, ce qui est sûr, c'est que ce musée du capitalisme à Saint-Gilles, rue Fernand Bernier numéro 40, nous aide à nous poser des questions, ben oui, sur ce capital, ce capitalisme. Donc, de l'approche qu'on a vis-à-vis des jeunes et des publics qui viennent visiter le musée, alors après de la genèse, de pourquoi est-ce que le groupe qui a créé le musée s'est lancé dans cette aventure-là. Donc, comme je vous disais, nous, l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de trop explicatif ou trop chargé au niveau du contenu. Il y a énormément d'animation, de focus, de sujets qui attirent leur attention sur toute une série d'éléments qui sont les constituants du capitalisme. Et c'est eux qui, après, réagissent là-dessus et font leur propre expérience. Et puis après, on fait un débriefing ensemble dans le groupe. Mais c'est pas moi qui apporte le contenu et l'explicatif sur chaque élément. Donc ça, c'est l'approche qu'on favorise avec les groupes de jeunes, très certainement. Et sur le concept, et d'ailleurs, l'approche ici... Attendez, parce que moi, j'ai l'habitude de faire le truc... Là, on est au musée du capitalisme à Saint-Gilles. Et alors, la première question qui me venait aussi, c'est de dire, tiens, tu as participé, je sais qu'il y a un groupe derrière de gens complètement bénévoles, volontaires, c'est eux qui ont créé ce musée. Tu en fais partie ? Non, donc moi je suis un guide bénévole. J'ai eu comme beaucoup de gens après Connex, on a apporté un coup de main chacun avec ses capacités. Mais il y a un noyau d'une quinzaine de personnes qui s'est élargi au fur et à mesure et qui part d'une idée pleine de bon sens. Lors d'une visite à Prague, ils se rendent au musée du communisme qui retrace l'histoire du communisme dans les pays de l'Est et qui a une histoire très noire et qui a dû être qui est décrit de manière très dure dans ce musée. Et il leur vient une idée. Pourquoi est-ce que dans une société où souvent on se fait la réflexion que le capitalisme peut aussi apporter des effets, des conséquences très noires et très difficiles à envisager, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un musée qui aborde cette question d'une manière critique, à charge et à décharge, qui serait un endroit de débat et de réflexion et pas un lieu qui oblige un contenu, qui délivre une information sur laquelle il n'y a pas de place pour se rencontrer. Mais ici, certainement, c'était l'idée de se dire, voilà, on a une approche qui est citoyenne. On n'est pas des experts, mais on a un ressenti de ce système, des problèmes, mais aussi des choses qui étaient porteuses d'espoir à la base. Et est-ce qu'on pourrait créer un espace pour en débattre et faire rencontrer aussi des publics très différents? Il y a des jeunes à partir de 14 ans, il y a aussi des adultes de milieux professionnels très différents et des publics qui sont très différents. Donc c'est vraiment un espace de rencontre. Est-ce que je peux donner ton prénom, Clément? Là, on va rencontrer. Donc moi, je te suis dans ta visite guidée, entre guillemets, même si peut-être tu ne vas pas apprécier ce mot de visite guidée. Là, on va avoir un public. C'est un public de quel âge ? Donc, c'est un public de 4e, d'une école à Hatt. Je ne sais pas en dire beaucoup plus. Je sais qu'ils sont en économie sociale ou en tout cas en option économie et sociale. Donc, ça va être intéressant. Ils ont reçu certainement une information sur cette thématique-là en cours et ça va être intéressant de voir leur ressenti personnel, mais aussi la matière qu'ils ont pu aborder. Voilà. Bon, bah, on attend leur arrivée. Et on va se diriger. Il est 28. Ouais, c'est à 30, à 13h30 que la... que la balade démarre. Mais quoi, ce groupe de 15 personnes, c'est des amis, sont des étudiants, c'est donc ceux qui ont créé ce musée du capitalisme. Oui, ils se connaissaient certainement, mais c'est ce projet, vraiment cette intuition qui avait un espace de création qui était disponible autour d'un musée du capitalisme qui les a rassemblés. Je pense qu'il y avait un noyau de base qui se connaissait, et puis s'est élargi au fur et à mesure des affinités, mais aussi des compétences qui étaient nécessaires pour développer ce musée. Il a fallu trouver un graphiste, il a fallu trouver quelqu'un qui faisait la mise en scène. Il y a beaucoup de compétences techniques aussi pour le montage du musée. Donc le noyau s'est aussi renforcé au fur et à mesure des compétences qui étaient nécessaires. Ouais. Voilà, c'est une espèce de synthèse de plein d'expériences. Et alors après, à côté de ça, parce que... évidemment, il fallait bien un moment pouvoir récupérer du temps pour soi. Ils ont aussi constitué toute une équipe de guides dont je fais partie et où certainement 30 ou 40 personnes bénévolement donnent de leur temps chaque semaine pour faire venir et encadrer les visites dans le musée. Et alors à côté de ça, il y a le PAC, le Programme d'Action Culturelle. Qui fait la permanence au musée, qui a dispensé des formations gratuites pour donner le contenu et la méthode aux guides pour mener ces visites. Ouais. Voilà, je crois que là, je dois rendre justice à tout le monde, plus ou moins. Que dire d'autre ? Mais alors, probablement que vous le savez déjà, mais il y avait une première édition de ce musée qui se faisait à Namur, aux facultés Notre-Dame de la Paix. Et donc ici, c'était la volonté, je pense, d'une part de faire voyager le musée parce que ça c'est inscrit dans ces... En tout, je pense que c'est inscrit dans l'idée dès le départ, ou en tout cas c'était une des possibilités, c'est de faire un musée qui est itinérant, d'ailleurs qui pourrait se dédoubler. Je pense qu'ils y avaient pensé que d'autres expériences puissent voir le jour dans d'autres villes en Europe et ailleurs, mais avec ce musée-ci, qu'il y ait d'abord une expérience à Namur et puis ici une deuxième édition avec un contenu qui est modifié, mais aussi l'opportunité de l'amener dans un autre quartier, une autre réalité sociale, voilà, plutôt qu'une université. Avec un contenu qui est modifié, qu'est-ce que tu veux dire ? Bon, il y a certains points qui ont été réagencés, ou je dirais que c'est plutôt des modifications à la marge. L'idée, la structure du musée en elle-même déjà n'a pas été modifiée, et puis c'est certains points sur lesquels il y a eu des modifications, mais pas fondamentales dans le contenu. Ouais. Mais comme quoi, par exemple? Parce que là, je ne comprends pas. Donc, tu parles du musée qui le contenu changerait en fonction de où l'expo, c'est pas adapté, c'est certainement pas adapté au quartier, mais c'était peut-être l'idée de se dire voilà, si je dois parler de mon expérience personnelle, il y avait un focus finance qui peut-être pouvait être amélioré, et voilà, moi j'ai donné de mon temps pour essayer de modifier la manière dont on présentait le focus finance, donc ça a été modifié. Sinon, certaines photos, éléments graphiques, la disposition tout simplement d'un Namur, c'était des pièces réellement, il y avait un agencement qui était différent. Ici on est dans une grande salle ouverte pour laquelle il fallait constituer ces structures en bois et bidons. Par exemple, ça a été une grande innovation plutôt artistique, ou en tout cas de mise en scène plutôt que sur le contenu. Il fallait construire réellement des pièces et agencer une structure. Et donc ça n'existait pas à Namur certainement. Voilà, c'est en ça que ça a été modifié. Mais maintenant, quels éléments n'existaient vraiment pas? Ah oui, il y a un truc qui est assez rigolo qu'un copain à nous a fait dans le noyau, un vélo qui permet, vous l'entendrez plus tard pendant la visite, qui permet de connaître, comment synthétiser ça, de connaître la quantité en millilitres de pétrole qu'on produirait en roulant à une certaine intensité sur un vélo d'appartement. C'est quelque chose qui n'existait pas et qui permet, en un simple calcul, de prendre la mesure de l'intensité énergétique du pétrole, qui est intéressante pour appréhender le capitalisme. Ouais. Mais tu vois, je comprends pas quand tu dis ça n'existait pas. Ça n'existait pas. J'arrive pas bien à comprendre ce que tu veux dire. Ça n'existait pas parce qu'il y avait eu des limites de temps, des limites de budget, des limites d'espace, et donc ces choses-là n'existaient pas dans le musée à Namur. Elles n'avaient pas été faites, quoi. Et ici. Soit pour moderniser ou adapter, tirer aussi sans doute les conclusions de choses qui étaient plus réussies et d'autres moins réussies, elles ont été rajoutées. Oui, voilà, ce point sur l'énergie, par exemple, je pense qu'ils avaient la volonté de rajouter quelque chose spécifiquement sur le pétrole, et ils ont eu l'idée plus tard, et donc voilà, c'est venu comme ça. Ok, je comprends mieux, ok. Plus de souvenirs, j'avais vu que l'inauguration à Namur, donc je ne saurais pas être précis sur ces éléments-là, mais... Ouais. Ouh, j'entends des enfants. Et c'est la première fois que tu fais ça? Guide? Ouais, c'est la première fois aujourd'hui. Ouais. Ça va aller? Je pense que ça devrait aller, ouais. On verra. Mais j'appréhendais plus l'idée qu'il puisse être un gros nombre, mais 11, ça laisse un bon espace de discussion, ouais, notamment, certainement un espace pour chacun. Et puis aussi, ça se prête mieux à ne pas être bondé, c'est pas... C'est plus pratique en étant des petits groupes dans ces salles-là, ouais, certainement. Non, j'ai confiance. Allez, on les attend alors. Salut. Bonjour. Il y a des quatrièmes et des lettres, c'est ça? Ouais. Allez, rangez. Vous êtes tous mélangés, là? Ouais. On s'est séparés. Pardon? On peut se séparer. Ben, on va se séparer. Ouais, c'est mieux. Ouais, ça va. Donc, on va faire un groupe avec les quatrièmes, un groupe avec les lettres. Comme ça, on peut adapter le discours à ce que vous connaissez, ce que vous avez déjà vu. Et vous êtes tous sur la même option, parce que sur l'affiche... Bon, les gars, je vois sur l'affiche qu'il y a des gens qui sont en économie. Les quatrièmes. Ah, vous êtes tous en économie. Excellent. Ouais, mais on va garder les âges, hein. Je pense que c'est bien. Ouais. Les quatrièmes, vous pouvez venir direct avec moi, pas besoin de se séparer. Ah ouais, c'est ça. Vous êtes 11? Il manque notre prof, il manque Gaël. Et les profs sont à la bourre. On peut faire sans les profs? Vous êtes suivi par une journaliste, hein. Aujourd'hui ça va être... Ouais, mais c'est... Mais on voit pas, hein, y a pas de caméra. C'est surtout monsieur que je vais enregistrer après vos questions. Eh bien, y a pas d'image. Hein. Ouais. Oui, c'est de la radio. Ce sera pas retransmis à Hatte, hein, donc... Ça va être transmis. À Bruxelles, à Saint-Gilles. Oui, mais je vous donnerai une petite carte après. Sur Internet, vous pourrez aller retrouver le son. C'est marrant, hein. Et votre prof, c'est un prof de quoi ? D'économie. D'économie. Et c'est lui qui vous a proposé de venir ? Il vous en a parlé une fois en classe et... Et tout le monde est venu ou c'était... vous deviez vous inscrire et... Non, ou c'était obligatoire ? Par rapport au cours, en fait. Par rapport au cours ? À quoi ? Cours d'économie ? Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez en économie pour le moment ? Les entreprises. Quoi, comment on fonctionne une entreprise ? Voilà. C'est-à-dire qu'elle met de l'argent, qu'elle pique de l'argent à la caisse ? Puisque c'est un peu dans... Tu dis ? On voyage beaucoup ou pas ? Bah, c'est la première fois que je le fais, moi. Il faut demander à Clément. Et vous pouvez laisser vos vestes et tout à l'entrée parce qu'il fait quand même chaud et puis vous êtes chargés comme des mulets. Ouais, mais c'est qu'on n'a pas trop envie de laisser nos affaires. Je comprends. Tu laisses pas 150 euros dans ton portefeuille, mais si tu veux. Ah non. Ta veste, tu vas pas te la faire pocher, il y a quelqu'un qui reste toujours à l'entrée. Moi, je la prends. Bah, si vous voulez tout garder, vous gardez tout, moi. Et moi, je crève déjà de chaud en t-shirt, alors si vous voulez rester en pull avec vos sacs à dos et tout. Je comprends, ils sont pas à l'aise de laisser leurs affaires, quoi. Ce qui est normal, c'est un public. Ouais. Salut, je me présente, c'est Clément. Moi, mon nom, c'est Clément. Si vous voulez m'interrompre pour une question ou quoi, commencez pas avec des messieurs ou des trucs dans ce genre-là. Vous m'appelez par mon prénom. Et j'ai envie de dire, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, mais peut-être attendons quand même la fin des focus ou des trucs comme ça, ce sera plus structuré. Je vous laisse peut-être m'expliquer d'abord, dans un premier temps, pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui s'est passé en classe Pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui au musée du capitalisme ? On n'a rien vu de ça en classe, donc on vient découvrir. Et votre professeur, elle vous a dit quoi ? Elle est là-bas, donc on sera contre l'inage. Elle vient pas ? Elle nous a dit que ça serait intéressant pour notre sixième, donc on est venu. Vous savez rien sur le capitalisme ? Rien. Donc si je vous demande quelque chose qui vous fait... À quoi vous fait penser le capitalisme ? Rien, quoi. Capital ? Donc, ouais, c'est pas mal. Non, mais en fait, c'est parce que la deuxième prof, elle nous expliquait tout à l'heure, c'était quoi le capitalisme ? Quel deuxième ? Ben là. Ah oui. je m'en souviens plus, c'est le mode de fonctionnement économique en Belgique. En Europe. Même partout dans le monde, hein. Ah oui. Donc c'est un truc, ça fait partie des nombreuses choses où on connaît pas grand-chose, mais où on vit tous dedans, quoi. Comme, je sais pas moi, le climat ou tout le reste. Mais le capitalisme, pour sûr, on est tous à l'intérieur. Votre collègue disait le capital, c'est déjà pas mal. C'est un des éléments constituants. Est-ce que vous pensez à d'autres trucs Ah. Qu'est-ce qu'il a dit ? L'argent. Donc certainement pas rien. Quand on a le capital et l'argent, on commence à avoir deux trucs intéressants. Encore un truc ? Non ? Comment ? Non. C'est déjà pas mal. Alors nous, on a choisi une définition. Des définitions, il y en a, je vais vous laisser après 5 minutes traîner dans la pièce. Des définitions, il y en a, mais des mecs, ils en ont fait dans tous les sens, à toutes les époques. Donc ça sert à rien de commencer à discuter définitions pendant des heures. Là, il y en a une. Tu la lis ? Le capitalisme est un système caractérisé par l'exigence d'accumulation de profits à travers la propriété privée. Donc vous avez dit deux mots. Vous avez dit capital, il est là. Et vous avez dit argent, il est là. Et le dernier truc que vous n'avez pas dit, en tout cas il y a encore deux choses, mais un truc que vous n'avez pas dit, c'est propriété privée. Ça on en discutera juste après. Et système. Ça c'est l'idée que c'est pas simplement un petit truc qui s'applique comme ça, on vit dans c'est quelque chose qui s'applique à l'ensemble de la société, à toutes les choses que vous rencontrez tous les jours, pour aller au magasin, mais pour prendre les transports en commun, pour partir en vacances. C'est un mécanisme qui est global. Voilà. Je vous demande de retenir cette définition-là parce qu'elle nous servira par la suite. Et maintenant, d'un point de vue historique, parce que vous pensez qu'on a toujours vécu sous un système capitaliste ? Et avant, il y avait quoi avant le capitalisme ? Ouais, mais le capitalisme, c'est pas incompatible avec la dictature. Hein. Mais avant, il y a 200, il y a 500 ans, il y avait quoi ? Rien. Ouais. Il y avait une économie féodale, on dit. Ou une économie... Oui, une économie traditionnelle. Mais oui, mais c'est ça, c'est le troc. Oui, mais c'est vrai. Il se marre. C'est avant que les échanges soient monétaires, c'est avant que le marché soit global. Et donc, il s'est passé des trucs. Rapprochez-vous un petit peu du panneau par ici. Je vais vous demander de les lire et vous avez sûrement eu des cours d'histoire. Vous êtes en quatrième. Donc, il y a des choses qui vont vous rafraîchir la mémoire. Vous en choisissez un ? T'en choisis un sur le... Prenez 30 secondes. Ah, le plus court. Il y a des trucs qui sont pas en français en fait. Prends le McDo. Regarde le 1604 en Angleterre. Ouais, le pavé quoi, sympa. Alors, en 1604, en Angleterre, chaque terre est séparée par un enclos. C'est la privatisation des biens communaux. Le mouvement des enclosures, nous passons d'un système de partage de terres à un système de propriété privée. Cela marque la fin des droits d'usage, droit pour une communauté de ramasser du bois ou des fruits sur des terres communes, qui possédaient la plupart des paysans. Vous pensez que la propriété privée, vous vouliez pas laisser vos... Il y a une caricature, mais vous vouliez pas laisser vos sacs dans l'entrée parce que c'est vos affaires... Mais pourquoi elle a dit que vous vouliez pas vous laisser ? Mais pourquoi est-ce que vous vouliez pas ? Parce que c'est vos affaires. Et vous pensez que ça a toujours existé comme ça ? Que les gens, ils ont dit, ça c'est mon terrain, ça c'est ma maison, personne vient dedans ? Non, ça, notamment en Angleterre, ça date des années 1600. À ce moment-là, les gars, ils ont dit, moi je veux plus partager les terres avec les mecs d'à côté, ce terrain-là, il est à moi, c'est ma propriété privée. C'était certainement un moment important. Vous en lisez un autre ? Le McDo, c'est un... il n'y a pas de problème. Hein. Bah, en 1994, premier McDonald's en Afrique, au Caire. Ça, ça touche un autre élément qu'on va voir après, ça s'appelle la mondialisation. On retrouve des McDo partout dans le monde. Ça, c'est aussi un élément du capitalisme. Encore un ? Vas-y, Xavier. Moi ? En 986, au Groenland, Eerste Kolonie van Island. Pourquoi tu l'as pris ? Je sais pas, j'ai pris le premier. En français ? Donc, au Groenland, la première colonie en Islande. On dit aussi que le capitalisme, il a connu ses débuts au moment où on a découvert les États-Unis, mais les Amériques. Et donc on dit que les Vikings, comme c'était des grands explorateurs, peut-être qu'ils auraient un jour découvert les Amériques et ils avaient certainement découvert le Groenland. Donc le capitalisme, il commence aussi avec l'exploration du monde. Quand on vit chez soi, dans son petit pays, sur sa petite terre, il n'y a pas de capitalisme qui est possible. Le capitalisme, c'est l'échange avec les autres. Donc il faut découvrir. Encore deux, trois et puis on passe à côté. Peut-être juste, moi j'attire votre attention sur un truc. Après, on parlait de Christophe Colomb et de la découverte des Amériques. Il y a quelque chose qui s'appelait le commerce triangulaire. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non. Ça vous dit rien du tout ? On voit ça en histoire à ce moment-ci. Et tu te souviens de ce que c'est, le commerce triangulaire ? C'est avec des esclaves. Ouais. Qu'on échange pour avoir de l'or et qu'on a la nourriture, tout ça. Les coûts en place. Ouais. C'était certainement une mécanique capitaliste, celle-là. On partait en Europe avec des biens comme des tissus, des petits trucs en métaux, des casseroles et tout. Ils arrivaient en Afrique et ils raflaient les esclaves, ça c'était un moment très noir. Et puis ils les apportaient aux États-Unis ou aux Amériques pour produire des biens avec une haute valeur ajoutée. Avec une haute valeur ajoutée, ça va pas commencer. Avec une haute valeur ajoutée, donc du tabac, du coton, et tout ça, ils revenaient le vendre en Europe, et là-dessus, ils touchaient une plus-value. Et ça, c'était un mécanisme d'accumulation. On part avec un capital, on le fait fructifier, et on fait de l'argent sur ce capital à la fin. Ça, c'est une mécanique qui est capitaliste. C'est le bénéfice, quoi, en gros. C'est l'exigence d'accumulation de profit. Donc, je fais quelque chose pour gagner de l'argent. Pas dit que c'était bien ou mal, mais ça, c'est le capitalisme. On passe à côté ? T'as pas répondu à ma question, mais... C'était quoi ? C'est faire du bénéfice, là, que tu parles, où ça n'a encore rien à voir. On cherche toujours à faire du bénéfice, mais ici, le bénéfice, c'est pas un système. Le bénéfice, c'est, à tout casser, un élément. Mais le capitalisme, c'est organiser la société, organiser un mode d'échange dans lequel l'exigence de faire un profit est constitutive. On ne peut pas avoir de capitalisme sans dégager un profit sur les échanges qu'on fait. On dit capitalisme, ça c'est une caricature, il existe autant de capitalisme que de pays, parce que le capitalisme c'est des décisions politiques. Et ici, ce petit exercice c'est pour vous montrer que les choix qu'on fait, ça fait vraiment varier le modèle dans lequel on vit. Je vous rapproche de cette balance qui est un petit exercice. On vous propose quatre choix. Donc est-ce que vous pouvez chacun en lire un ? Parce que je suis à l'envers et je ne les vois pas. Non, lisez-les en français. Vas-y. Qui est régulé ou régulé ? Le marché. Et toi, tu me dis celui-là ? De la richesse, individualisée ou redistribuée. Mm-hmm. Ah bah, vous me lisez ceux-là ? Je vois pas, en fait. Privé ou collectif, privé, ouais, privé ou collectif. De la propriété. Donc, on a propriété, on a richesse et on a marché. Et le dernier, c'est les ressources naturelles. Voilà. Alors, l'exercice, pour vous montrer que les modèles dépendent des choix qu'on fait, je vais vous demander chacun à votre tour, on va le faire dans l'ordre, en commençant par toi et en commençant par celui-là. Est-ce que, je peux te donner une explication si à la rigueur tu ne comprends pas, mais est-ce que tu trouves que le marché, donc le marché c'est un système d'échange. J'ai quelque chose, je te vends mon t-shirt ou mes chaussures, ou je produis des oranges et je te les vends. Est-ce que tu trouves que ça, l'État doit se mêler de le réguler, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit rester libre ? Ah, ça doit rester libre. Ça doit rester libre, très bien. Et donc, excuse-moi, je ne sais plus, de quel côté on met la balance ? Ça c'est le côté Antespelen. Ouais, et là tu vois quoi là en dessous ? C'est ces trucs-là, je pense. Je vois force le capitalisme. Ouais, voilà. Favorise la sortie du capitalisme. Mmh. Et donc une non-régulation du marché, t'as dit le marché doit rester libre, ça c'est une logique qui est capitaliste, parce que on ne peut pas admettre que l'État ou que quelqu'un vienne se mêler de la manière dont toi et moi on échange des oranges. Donc tu peux mettre, on va les mettre deux par deux pour commencer, ou on commence par un. Vas-y, mets ton petit trou ici là. Ah, vas-y, où je te la mets, tiens. Ok. Suivant. Ouais. On est là. Ah ouais. Ok. Ouais. Est-ce que vous pensez que les ressources dans le monde dans lequel on vit, elles sont limitées ou elles sont illimitées ? Pas limitées. Limitées. Donc tu dois mettre le triangle du côté des forces du capitalisme. À toi, t'as rien mis. Hein. Donc ici, on est sur propriété privée. Est-ce que tu trouves que la propriété privée, c'est bien ou pas ? Est-ce que tu as envie de partager ton sac à dos et ta salle de bain avec tout le monde ? Réponds franchement. La propriété est privée. Je le mets ici côté capitalisme. Est-ce que tu trouves que ça a du sens de partager les richesses, ou alors ce qu'on a gagné, c'est pour soi ? Est-ce que c'est le mérite, ou alors est-ce que c'est le partage ? Mérite. Du coup, si j'ai bien fait mon truc, quelqu'un d'autre se retrouve pour ça. Est-ce que tu trouves qu'un marché doit être régulé ou dérégulé ? Pour vous donner un autre exemple, est-ce que vous pensez qu'on peut produire des aliments dans n'importe quelle condition ? On s'en fout de savoir la manière dont ça a été fait. Est-ce que les gens ont été bien payés ? Est-ce qu'il y a eu des pesticides dessus ? Est-ce qu'il y a eu des OGM ? Est-ce que ça nous regarde ou... J'oriente un petit peu la réponse. Mais donc tu dirais que ça nous regarde. Sur... là on est sur marché. Là on parle de ça, marché. Ok, ça nous regarde. Sur les ressources naturelles, qu'est-ce que tu penses ? C'est dommage qu'on entende sa voix. Toujours le même exemple. Pour te donner un exemple concret, je sais pas moi par exemple, est-ce que le soleil c'est limité ? Ben non, il est illimité. Quand même illimité aussi. Ouais. Ouais, il est limité, mais sur une période de temps qui est tellement longue que c'est comme s'il n'était pas limité. Pourquoi est-ce qu'on parle de système ? T'es pas. C'est toi qui décides. Hein. Moi, je te donne juste des exemples. C'est comme l'air, c'est illimité. Enfin... Ouais. En fait, je vous apporte juste une petite information complémentaire. On parle de ressources renouvelables ou non renouvelables. Et renouvelables, elles sont toutes, hein, renouvelables à l'échelle d'un temps très long. Tout se reconstitue. La Terre, elle s'est créée à partir de rien. Mais dans l'histoire humaine, donc sur 10 ou 20 000 ans, on considère qu'il y a des choses qui sont non renouvelables. Le pétrole, par exemple, ça a mis 200 000 ans à se créer. Et l'histoire humaine, bon, allez, si je prends le moment où on était des hommes des cavernes jusque maintenant, ça fait même pas un demi-million d'années. Donc, oui, encore, là, je suis largement au-dessus. Donc, de notre point de vue d'humain, ces ressources, elles sont non renouvelables. Mais il y en a d'autres, comme le soleil et l'eau, qui sont renouvelables. Mais bon. Et donc, si tu devais placer ton petit triangle, tu le mettrais où ? Toi, tu sais pas non plus ? Il va falloir que quelqu'un tranche. Hein. Moi, je dis c'est limité. C'est limité ? Non, c'est limité. Ouais, je pense qu'on va mettre les deux derniers du côté limité. Hein. Renforce, déforce le capitalisme. Donc, sur les ressources, là, vous êtes d'accord. Propriété privée ? Mais, alors, je vous apporte aussi un contre-exemple. Un bon contre-exemple. Par exemple, une voiture, c'est un bien privé. Personne n'a envie de partager sa voiture. Tu n'aurais pas envie le matin, quand tu vas à l'école, que ton voisin il ait piqué ta bagnole et tout. C'est quand même pas pratique. Hein. Mais est-ce que vous pensez qu'on... qu'on sait vivre sur Terre avec tout le monde une voiture ? Est-ce que... Ouais. Par exemple, dans les villes, vous habitez pas Bruxelles, mais si vous habitiez Bruxelles, vous verriez qu'il y a un problème avec les voitures. Si tout le monde avait une voiture, tout le monde veut la garer, tout le monde veut la conduire. Il n'y a pas assez de place. Donc ça, c'est comme les terres pour les maisons. Moi aussi, moi, je sors, je voudrais bien avoir une maison pour moi, mais bon, il n'y a peut-être pas de la place pour que tout le monde ait une maison. Donc il faut certaines formes de propriété partagée. On ne va pas faire une piscine pour tout le monde, on ne va pas faire une école privée pour tout le monde. Il y a des choses qui doivent être partagées. Ça dépend quoi. Ouais. Et donc vous trouvez, on va un petit peu accélérer, vous trouvez que j'en mets encore un de ce côté-là et un de ce côté-là. Il faut un tout petit peu de partager. Ça va. Et ici, on est sur le partage de la richesse. C'est que pour nous. Ouais. Quand il gagne son salaire, il n'a pas envie de travailler avec quelqu'un qui a chômé. J'en mets certainement un de ce côté-là. Je mets les deux de ce côté-là. Tu mets pas les deux de ce côté-là. T'es au chômage et je travaille, j'ai pas envie de te payer ton chômage alors que tu fous rien et que tu cherches pas de boulot. Mais ça dépend, tu dis que tout le monde qui est au chômage ne dit pas qu'il cherche pas forcément un boulot. Ça dépend. C'est pas parce que t'es au chômage que forcément tu trouves pas de boulot. Les jeunes, quand t'as un grand diplôme, quand tu sors de l'école, t'es au chômage parce que tu t'as pas de boulot. Mais ça veut pas dire que tu cherches pas. Quand t'as 40 ans, ça fait 10 ans que t'es au chômage. Ouais, ça dépend, tu dis pas tout le monde. Mais vous savez, le partage de la richesse, c'est aussi l'école gratuite, par exemple. Si aujourd'hui vous pouvez aller à l'école et que vos parents ils doivent pas banquer chaque mois pour que vous puissiez aller au cours, c'est parce qu'on a dit à un membre, ok, moi j'ai pas d'enfants, toi t'en as, mais je paye des impôts pour que tous les enfants puissent aller à l'école. Ou les soins de santé. Si vous pouvez vous casser la jambe, aller à l'hôpital et qu'on vous soigne direct, c'est parce qu'on fait un partage de la richesse. Bah, direct Ouais, c'est pas toujours bon. Bah, moi, je veux pas vous influencer, mais... Bah non, moitié-moitié. Moitié-moitié, je sais pas, mais en tout cas, il en faut quand même un tout petit peu. Imaginez une société dans laquelle on partagerait rien du tout. On mettrait rien en commun sur la richesse. Ouais, ça veut dire, donc par exemple, quand tu auras un problème, tu pourras aller pas demander aux autres. Donc tu te débrouilles complètement toute seule. Donc toi, ça te dérange pas. Il n'y a pas de police. Absolument toute seule. Rien du tout. Tu demandes rien. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'ambulance. Non mais, et elle a raison. Donc j'en mets un. Et sur le marché, on peut peut-être avoir un débat intéressant aussi. Hein. Vous avez vu des trucs en économie sur le marché ? Je sais pas, c'est quoi un marché dérégulé ? C'est quoi le... Vous savez pas la différence entre régulation et dérégulation ? Le marché ? C'est la règle. J'ai fini. On a eu, par exemple, je vous donne un exemple, on a eu des gros problèmes avec la vache folle. Vous vous souvenez de ce que c'était ? Ou les trucs de grippe aviaire et tout. C'est parce que les gars, ils voyaient pas le problème. On s'est dit, il faut laisser les gens, c'est des éleveurs, ils savent ce qu'ils font, on les laisse faire leur truc. Et puis en fait, il y a des problèmes auxquels on n'avait pas pensé, les pollutions, les maladies. Et ça, si tu laisses faire les gens comme ils veulent, ils font n'importe quoi. Donc ça vaut quand même la peine de se poser un peu la question de parfois, est-ce qu'il faut intervenir ou pas, quoi. Mais bon, là, il y a débat quand même. Je suis d'accord que c'est difficile à savoir. C'est des cas particuliers, quoi. Des trucs pour lesquels il vaut mieux laisser faire et d'autres pour lesquels il vaut mieux intervenir. Bon, et je le mets en force parce que vous étiez plutôt comme ça. De toute façon, les autres vont venir défaire ce qu'on a fait. Et on passe à côté, on les a un peu à notre housse, donc on doit prendre un peu d'avance. Je vous arrête encore une minute. Donc ce qu'on a fait ici, c'était... J'aurais dû vous présenter d'abord la structure, j'ai un petit peu craqué. Dans ce musée, il y a 4 salles. On était dans la salle... Dans la salle origine, ici, je vous présentais l'histoire, la genèse, comment ça se fait qu'on est passé d'un modèle à un autre modèle. Donc, c'était pour ça que je vous montrais les dates, la définition, il faut réfléchir un petit peu à ce que c'est. Maintenant, on va passer dans la salle espoir. Ah, ben, c'est bien, t'écoutais. Dans la salle espoir, parce que vous allez voir que dans le modèle dans lequel on vivait avant, c'était pas toujours très rigolo. Hein. On mourait jeune, il y avait beaucoup de guerres... Je sais pas, moi, on n'avait pas accès à grand-chose. Vous ne voudriez probablement pas vivre la vie de vos arrière-grands-parents. Ils vivaient peut-être sans électricité ou quoi. Donc ici, dans la salle espoir, on va voir probablement toutes les belles choses que le capitalisme nous a apportées. Et puis, il y a une salle limite, parce que y a aussi des choses pas très belles que ça nous a apportées. Et là, vous le verrez par la suite. Et puis, une salle alternative où on réfléchit qu'est-ce qui est possible. Une fois qu'on connaît les avantages et les inconvénients, à quoi est-ce qu'on peut réfléchir d'autre ? Venez, venez, venez. Bon, la première salle, c'était la salle chiante. Maintenant, je vais vous lâcher un peu la grappe. Vous allez aller faire un petit tour. Il y a des trucs. On appelle ça des focus. Allez faire votre petit tour. Lisez les panneaux. Il y en a déjà derrière vous. Moi, j'adore ce truc-là, là-bas. C'est un discours d'Obama qui est vraiment super bon. Oh. Il y a une petite vidéo. Vous asseyez pas direct dans le canapé. Lisez un peu les bazars. Et dans 5 minutes, on fait un débriefing. Donc, c'est jusque-là. Voilà. Ça va ? Pas trop stressé ? Non, mais c'est vrai qu'avec un groupe derrière, c'est pas facile. Ah. Mais il faut maintenant leur laisser leur autonomie. Là. L'homme le plus riche d'Amérique. On va faire du vélo. Vous n'entendez pas ? Non, il n'y a rien. Il faut peut-être demander Clément. Ça marche pas ? Non. Enfin, on n'entend rien. Donc je pense que nous pouvons tenir la promesse de nos fondateurs. L'idée que si vous voulez vraiment travailler dur, ça n'a pas d'importance d'où vous venez, ou à quoi vous ressemblez, où est-ce que vous vivez. Ça n'a pas d'importance si vous êtes blanc, noir, hispanique, asiatique, natif américain, jeune ou riche, jeune ou vieux, riche ou pauvre, capable ou incapable, gay ou hétéro. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire ici en Amérique si vous voulez vraiment essayer. Quoi. Moi j'aime bien le black. Bah normal, t'es le seul black. Moi j'aime bien hispanique, allez, ça se passe comment? Moi j'aime bien le noir. Ouais, mais en d'autres mots, comme ça pour discuter, vous avez compris quoi de ce texte? Peu importe les couleurs, peu importe nos origines, nos religions, peu importe n'importe quoi, on peut tout faire. C'est pas ce qu'on est, le reflet de nous-mêmes, par exemple, la peau ou quoi, qui fait ce qu'on peut devenir. On peut faire tout ce qu'on veut. Tout est possible. Et vous êtes d'accord avec ça? Oui. Sincèrement? Tout est possible. C'est Obama qui dit ça, hein? Bah oui, tout est possible. Bah, yes, we can, mes amis. Voilà. Yes, you can. Devenir président. Le 65e président. Moi, je suis un sportif, je vais faire du jeu. T'as tout regardé. Clac, clac. Moi, je fais un terreau surprise. Hein. Bon, vous êtes passé vite fait dessus, mais qu'est-ce que vous avez retenu dans cette salle? Donc, on est dans la salle Espoir, ici. Tout est possible. Donc ça, c'est Obama qui le dit. Ouais. Ok. Quoi d'autre? Donc, Obama, il dit tout est possible. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Et ça, par exemple, c'est quoi? T'es tout prêt là? C'est quoi ton prénom? Xavier. Tu nous lis le panneau, puisque t'es tout prêt? Le monde, un village, la mondialisation, c'est aussi la naissance de différentes institutions à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. La plus connue, l'Organisation des Nations Unies, a pour but notamment le maintien de la paix et la défense des droits de l'homme. Du côté du secrétaire économique et... Secteur, et financier, il existe le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce et la Banque mondiale. Mais d'autres secteurs se sont aussi mondialisés, comme la santé avec l'Organisation mondiale de la santé et l'environnement avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bon, c'est pas très important, c'est pas ça que je voulais vous faire lire. Mais votre collègue, elle disait un truc marrant. Elle voit l'ordinateur et elle dit « Oh, ça, avant, c'était chiant. Il fallait s'asseoir devant l'ordi, il fallait attendre super longtemps. On avait le temps de sortir son chien et tout. » Elle y connaît rien parce qu'elle a jamais connu le modem, mais elle a pas tout à fait tort quand même. Imaginez ce que devaient vous se dire vos arrière-grands-parents quand ils étaient là dans leur chaumière, sans électricité, sans eau, et qu'ils attendaient 3 semaines pour recevoir une lettre de la poste. Donc l'idée de cette salle, ça c'est cet élément-là. Et puis elle prenait le billet pour Chambéry, et elle voyait, ouais, Chambéry et tout, c'est en France, c'est à côté des pistes de ski pour les skier, c'est trop cool. Mais ce bureau-là, il est là pour vous faire comprendre un truc, c'est qu'il y a 100 ans, la plupart des gens, ils quittaient jamais leur village, ils avaient aucun copain nulle part dans le monde, à part les mecs du village d'à côté. S'ils connaissaient quelqu'un en France, c'était déjà pas mal. Si, ne parlons même pas d'Internet et du téléphone. Donc d'un point de vue communication, voyage, on ne prenait jamais l'avion, ça n'existait pas, il n'y avait pas de voiture, c'était un monde tout à fait différent. Donc ça c'est une chose que le capitalisme a certainement apporté. Maintenant, vous voyagez, vous prenez l'avion aller-retour pour la Thaïlande, vous y allez 4 jours, vous allez une semaine au ski, ça c'était inimaginable avant. Donc ça c'est un truc. Donc ça c'est un focus mondialisation. Là il y a un focus alimentation. Est-ce que vous pouvez lire vite fait les petits encarts que je vois là? chacun qui est tout seul. Et dans l'ordre, si on pouvait commencer par 1850, ce serait pas mal. Période 1850-1914, plat composé de pommes de terre et de lard, accompagné d'une soupe, d'un miche de pain gris et d'une bière. Jusqu'au début du XXe siècle, les achats alimentaires représentaient environ 60% du budget des Belges. Période 1950-1980, plat composé de viande de bœuf, de frites et de champignons, accompagné d'une tranche de pain blanc, d'une pomme et d'un verre de vin rouge. Entre 1950 et 1980, la part du revenu des ménages belges consacrée à l'alimentation tournait autour de 30%. Ouais, et le dernier là-bas ? Spaghetti bolognaise accompagné d'un verre de vin et d'un dessert. Avec la baisse du prix des denrées alimentaires dans les années 2000, les ménages belges consacrent environ 20% de leur budget à l'achat d'aliments. Cela leur permet d'augmenter la part du budget consacré aux autres biens de consommation, notamment les loisirs. C'est quoi que vous préférez manger ? Vraiment le truc, un truc, après commencez pas avec... Lasagne. Avec une lasagne, ouais. Paella. Quoi d'autre ? Une paella ? Ouais. D'autres trucs ? Vous n'avez pas de plat préféré, ça tout le monde en a. Hein. Ah, c'est paella. Ouais. Et votre fruit préféré, c'est quoi ? Pastèque. Pastèque ? Poire, ouais. Ouais. Et là, bah, rien, vous n'aimez rien, ni les fruits, ni... L'orange. Ah ouais. La poire ? Ouais, la poire, c'est bien. Pour ça. Ouais, mandarine. Ok. L'alimentation, c'est un bon exemple. Au début du siècle, avant les deux guerres mondiales, c'est ce qui est marqué sur le panneau, on mangeait les trucs qu'il y a dans son jardin. Donc on mangeait des pommes en automne, on en mangeait pendant quelques mois pendant que ça se conservait, et puis on mangeait ses carottes pendant tout le printemps, et puis on mangeait ses choux tout l'hiver, et chaque année c'était comme ça pendant toute ta vie. Et quand de temps en temps tu voyais passer, qu'est-ce qui devait faire vraiment plaisir à l'époque ? Les tomates. Ouais. Ouais, les oranges, ouais. De temps en temps, il y avait des oranges, et encore, ça devait être déjà pas mal. Les fraises. Les fraises, n'en parlons même pas. Ouais, t'en mangeais les 15 jours en été, quand c'est bon. Tu manges un petit peu de viande aussi, de temps en temps, mais t'as intérêt quand même pas à tuer tous tes poulets. Et maintenant, vous avez envie d'une poire, vous allez où ? Magasin. Ouais. T'as envie de manger une paella, il y a une paella surgelée, hein. Non. Ça, c'est dégueulasse. Ouais, ah, ça, c'est bien. C'est dégueulasse, une paella surgelée, ils disent. Et maintenant, on mange des trucs différents. Effectivement, tu dis en cuisine, mais tout ça, c'est devenu beaucoup plus simple. Avant, t'imagines, tu voulais un poulet, il fallait le tuer la veille, il fallait le plumer, le préparer. Tu prenais une demi-journée hein, pour faire à manger. T'avais envie d'une poire en août, c'était fini, hein, t'avais jamais ta poire. Hein. Donc l'alimentation, ça a été révolutionné par le capitalisme et le mouvement des marchandises. Avant, la vie était chiante. Hein, En tout cas, c'était moins diversifié. Ça nous paraît inconcevable, mais si on devait vivre comme les gens au 19e... Ça serait terriblement répétitif, quoi. Voilà pour l'alimentation. Là, je vous dis un petit mot vite fait sur la santé. Je regardais encore un chiffre tout à l'heure. En 1840, la moyenne d'espérance de vie, c'était 50 ans. Vous savez, c'est combien aujourd'hui ? 100, c'est quand même... Ouais. Bientôt 100. On va vers le 100. Ouais. C'est plus proche de 100 que de 50, en tout cas. Donc, en 100 ans, on a doublé notre espérance de vie. Imaginez-vous que sur toute l'histoire de l'homme, 50, c'était une moyenne très, très haute. Donc, pendant 200 000 ans, là, on vient de vivre, tout le monde mourait à 35 ans. Et depuis les 150 dernières années, les années capitalistes, maintenant, on vit jusqu'à 80 ans. Quoi. C'est quand même sympa, ça. Et là-bas, les quatre portraits, vous les reconnaissez ? Vous me les dites dans l'ordre. Le premier, c'est... Ouais. J.K. Rowling. Celle qui a écrit Harry Potter. C'est quatre exemples de personnes qui ont commencé modestement. Quoi. C'était des gens comme vous et moi. Et les mecs, ils ont eu un rêve, ils ont travaillé pour leur rêve et ils sont devenus riches. Quoi. Ça, c'est ce que permet en théorie le capitalisme. Si vous vous battez, si vous êtes intelligent et que vous faites les choses convenablement, vous pouvez devenir riche. C'est trop facile, ça. C'est trop facile. Hein. Qui fait du vélo ? Genre moi, mais je suis sportif. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Non, je termine, elle a parlé toute sa vie. Bon. Ah, attends, il y a une consigne. Hein. Le but, c'est pas de me faire un point de vitesse. Alors ça, c'est un vélo magique. C'est un vélo qui calcule pas les kilomètres, il calcule les millilitres de pétrole produit. Quoi. Bon, vous faites écho, vous êtes bon en mathématiques, vous allez venir me calculer ça. Donc il y a un petit marqueur qui va de 0 à 30 millilitres. Et donc si votre collègue, qui s'appelle Loïc, roule pendant une heure, et qu'il arrive à mettre... vas-y, roule un peu. Tranquille, hein, sans me casser le vélo. Hein. Comme si tu devais rouler. C'est un peu dur quand même. Comme si tu devais rouler une heure. Là. Essaye de maintenir l'aiguille bien stable. Bon, il est quand même assez faiblard, il est à 10 ml. Ah, mais aussi, c'est dur, hein. Chaque fois, ça bloque. Hein. Donc, votre collègue, là, si. Les filles au fond, là. S'il roulait une heure comme ça, il produirait 10 ml de pétrole. Est-ce que vous savez combien ça consomme de faire 1 km en voiture avec du pétrole? Prenons 10 litres pour 100 km, parce que moi je suis nul en maths, j'ai besoin d'un chiffre facile. Donc calculez-le vite fait. Ça fait 10 litres pour 100 km, ça fait combien pour 1 km? C'est une règle de 3. 10 litres pour 100 km, ça fait combien pour 1 km. Bah, 0,1. Donc ça fait... Non. 10 litres pour 100 km, bah, ça fait 10. 0,1. Ouais, donc ça fait 100 ml. Donc pour faire 1 km, ici à la Grand Place, ça doit être un truc dans ce genre-là, un petit peu plus, il faut 100 ml de pétrole. Et ici, votre collègue, là... J'ai fait 100 mètres. Il a fait... il a même pas fait 100 mètres parce qu'il a roulé 20 secondes à l'intensité pour produire 10 ml. Donc s'il avait roulé une heure comme ça, il aurait produit 10 ml, il aurait pu faire 100 mètres en bagnole. Donc une heure sur ce vélo-là, c'est se faire 100 mètres en bagnole. Pour se rendre compte de... Parce que le pétrole, c'est... C'est pour vous donner un exemple. Vous pensez que le pétrole, on l'utilise depuis quand? Ça existe depuis quand, le pétrole? C'est une bonne question historique, ça. C'est depuis quand qu'on connaît le pétrole et qu'on l'utilise? Aucune idée? Les années 60, non? Ouais, tu dis les années 60. Vous avez une autre idée? La découverte du pétrole. En fait, on parle presque du moteur à explosion. C'est pas la machine à vapeur, c'est juste après. 40 alors. 50. Les années 40-50. Bon, je sais plus, mais c'est pas très important. Mais en tout cas, c'est autour du 19e. Je pense que c'est dit. Ouais, je pense que c'est en 1840, la découverte du pétrole. Donc c'est la première fois qu'un gars a foutu une pelle dans le sol et qu'il s'est dit, tchou, ça c'est bizarre. Un truc qui est noir, qui coule et qui n'est pas de l'eau. Quoi. Et après, ils ont découvert que s'ils raffinaient ces bazars-là et qu'ils les mettaient dans des moteurs, ça produisait une énergie qui était inimaginable. Donc vous vous rendez compte, pour comparer l'énergie physique, celle que vous avez dans vos jambes, à l'énergie qui est contenue dans un litre de pétrole, j'avais une bonne mesure, c'est ça. Un baril de pétrole, c'est 152 litres. Ça correspond à 12 ans et demi de travail humain. Donc si vous vous levez tous les jours, que vous travaillez 8 heures par jour, et que vous faites ça pendant 12 ans et demi, vous produisez le travail, c'est des notions de chimie et de physique, vous produisez le travail qu'il y a dans un baril de pétrole. Et un baril de pétrole, vous en utilisez, à mon avis, un par semaine, facilement. Donc ça vous laisse entrevoir la différence de confort et d'énergie qu'on consomme. Avant, les mecs, quand ils étaient dans leur ferme, là, je vous laissais 3 minutes devant le film, t'avais ton cheval, t'avais ta pioche et ta hache, et tu coupais ton bois comme ça tout seul, et il n'y avait personne pour t'aider, il n'y avait pas de tronçonneuse, il n'y avait rien... Et tu devais travailler tes 12 ans pour produire, pour faire le travail que maintenant on fait avec notre baril de pétrole. Bon, je vous laisse souffler 2 minutes là-dedans. Enseignez-vous. Dès qu'on les entendra arriver, on se cassera. Donc ça, c'est un petit film, je pense que ça date de l'après-guerre, qui parle de la société de consommation, ça s'appelle « Les portes de l'abondance ». Et ça vous parle de ce que je suis en train de vous expliquer, quoi. Pourquoi est-ce que la vie humaine, elle a radicalement changé après la guerre, début de la société de consommation en Europe, quoi. Et je peux... Fort, il y avait des attractions. Est-ce que je sais vous me relancer au début? Mais Clément, la question c'est, quand je regarde ça, mais... À la base, c'est pas les patrons qui profitent du travail des gens, plutôt que... Enfin, c'est comme si on expliquait que le capital est venu aider l'être humain, mais à la base, c'est comment on répartit les richesses, enfin... Parce que t'es pas obligé de... Enfin, quand tu coupes ton bois, t'es pas obligé de couper du bois pour la terre entière, tu coupes ton bois pour toi... D'avoir, vous savez, la vie à ce moment-là, c'était pas très drôle dans le sens vous avez des passions, qu'est-ce que vous aimez bien faire? Le foot. T'adores jouer au foot? Moi aussi, j'adore jouer au foot. Je fais du football, football en salle. Dormir, ça c'est vrai que c'est sympa aussi. De l'équitation. C'est solide. Et l'école, vous aimez bien? Non. Non. Vous auriez préféré quitter à 14 ans et descendre à la mine? Non. Ouais. Bon, ce serait un truc entre les deux, disons. Mais ce que ça nous raconte, tout ça, finalement, c'est surtout qu'on a beaucoup plus de temps pour faire des trucs qu'on aime, quoi. Avant, déjà, quand tu devais pas descendre travailler à 14 ans, tu avais beaucoup de chance. Mais ta journée, quand tu avais terminé de laver le linge à la main, quand tu avais terminé de préparer à bouffer, d'aller couper ton bois, il restait plus grand-chose comme temps pour s'amuser. C'était pas une vie très rigolote, quoi. Comparé aux vies qu'on a maintenant, on a des week-ends, on a des vacances à l'étranger. La vie est quand même plus drôle, plus diversifiée maintenant. Il n'y avait pas de club de foot à cette époque-là. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas d'éclairage d'ailleurs pour le faire. Bon, allez, changeons, mais... Vous voyez un petit peu l'idée que je voulais vous faire passer ici ou... C'est quoi ça ? Ok. Donc là, on était dans la salle Espoir. Je ne sais pas si vous avez bien saisi les trucs que je voulais vous faire passer, mais il y a quand même des choses sympas qui se sont passées avec le capitalisme, disons. Maintenant, dans la salle moins sympa, ça s'appelle la salle Limite. De nouveau, comme précédemment, je vais vous laisser faire vos petites expériences, aller un petit peu cliquer sur les trucs, en tout cas pour ce qui fonctionne. Regardez un petit peu, fouiller, et puis après, on regardera ensemble, ça va ? Quelques petits trucs spéciaux, notamment sur le lait. Venez un peu plus près ici. Donc on parlait de marché tout à l'heure, vous vous souvenez, on était là, ouais, c'est quoi le marché et tout? Ben, le marché du lait. Ici, vous avez un aperçu de ce que c'est le marché du lait. Il y a différents acteurs entre le producteur. Ici, on voit d'ailleurs les... Ça fait les... Les noms. Ici, on voit différents acteurs. Entre le producteur, le consommateur, le distributeur, le transformateur. Et il se passe un petit truc bizarre sur le marché du lait parce que c'est... Disons que c'est pas exactement ceux qu'on penserait qui gagneraient l'argent sur le lait qui le gagnent vraiment. Et ici, on a des pourcentages derrière. Et donc, je vous dis, il y a quatre personnes, si je me souviens bien. Il y a le producteur, il y a la coopérative, le transformateur et le distributeur, si je suis bon. Et combien vous pensez, est-ce que vous voyez un petit peu dans le marché du lait, qui est le producteur par exemple ? Le producteur, c'est celui qui gagne le moins. Tu dis ? C'est celui qui gagne le moins, celui qui gagne que 3%. C'est celui qui a la vache, quoi. Ouais. C'est celui qui a la vache. En plus clair, quoi. C'est la vache, en fait. Ouais. C'est la vache. Le distributeur, c'est celui qui... Qui a la vache. On dit la grande distribution. C'est le magasin, ouais. C'est le camion qui va apporter au magasin là. La coopérative, c'est ceux qui collectent le lait. Et donc, qui vous pensez qui touche 68% du revenu du lait ? Bah, on dit, disons pas les mots compliqués. Vous voyez, il y a un gars qui ramasse le lait chez les fermiers, il y a le fermier et il y a le magasin. Celui qui revend le lait. Le distributeur. C'est le supermarché qui touche 68% du bénéfice. Donc si la brique de lait, c'est 1 euro de bénéfice, eh ben le distributeur, il en touche 68%. Mais pourquoi ? Eh ben, Parce que le marché est inégal. Donc le distributeur est dans une position de force par rapport au producteur et ça lui permet de dégager un bénéfice, de dégager un profit sur le lait. Voilà. Oups, merde. Qui touche 24%? Ouais, le transformateur. Et qu'est-ce qu'il fait le transformateur en fait? C'est pas celui qui l'apporte dans les supermarchés, qui vient. Non, c'est pas celui qui après la. Mais Clément, en fait, moi dans la balade, là, je comprends pas comment on est passé du monde là où on était tous devant la télé, où on avait affaire à la vieille époque. Et tu expliquais, oui, avant, c'était galère parce que ça s'assiste à ça. Et puis on arrive ici. Et tu parles du lait. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Il y avait des avantages. Tout le monde avait envie d'avoir une télé. Tout le monde avait envie de pouvoir manger de la viande tous les jours. Et donc ça, c'était les avantages. Par contre, il y a toujours des inconvénients aussi. Et de faire la production de masse d'ordinateurs, de viande, et ben, ça a créé ce genre de... On appellerait ça des limites, des dysfonctionnements. Il n'y a personne qui est méchant derrière en train de se dire « Je vais tuer ou je vais ruiner le producteur de lait. » Mais le marché... L'exigence d'accumulation de profit, elle fait ça. Vous comprenez ? Ouais. Ça va ? Vous comprenez ? Donc ça, c'est la ça va vite, en fait, je trouve. Une limite dans le marché. Donc c'est, on prend l'exemple du lait ici, mais il y a d'autres exemples pour d'autres marchés. Que les smartphones, je trouve que c'est un bon exemple. Donc ça, c'est une limite, on pourrait appeler une limite économique. Ici, on va passer sur une limite environnementale. Vous avez peut-être... Non, des jobs, c'est pour après ça. Et vous êtes en train de me remplir la boîte ? Non, j'ai juste mis un. Est-ce que vous avez des exemples de limites environnementales ? Des problèmes environnementaux ? Bah, la pollution ? Ouais, quel genre de pollution ? Bah, y a beaucoup d'usines qui produisent énormément et qui, en produisant énormément, bah, font de la pollution. Quel genre de pollution, par exemple ? Bah, les CO2. Des gaz mauvais et tout. La chimie. Les émissions de ça. Bah. L'agriculture, ça fait pas mal de pollution. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle l'empreinte environnementale ? C'est ça ? Empreinte écologique. Ça vous dit rien du tout ? Non. Jamais entendu le terme ? Encore ? Empreinte écologique. L'empreinte écologique. C'est pas chaque chose de l'écologie a une empreinte propre à lui, donc ça veut dire qu'on peut pas trouver deux trucs les mêmes ou un truc comme ça, non ? Non. Ah, ok. Non. C'est une manière de symboliser la consommation que chacun a sur Terre. Donc, par exemple, moi, avec ce que je consomme, ce que je mange, là où je voyage, toutes les choses que je fais dans ma vie, je consomme une certaine partie de la Terre, quelques kilomètres carrés. Et ça, quand on les met tout le monde l'un à côté de l'autre, ben, on finit par remplir toute la Terre. Chacun met son petit coin, moi je prends quelques kilomètres carrés, toi t'en prends quelques-uns et tout ça. Et cette empreinte écologique, elle fait que grandir. Au début, vous vous rendez bien compte que quand on était dans sa ferme avec son cheval et qu'on était là comme ça tranquille, on avait une petite empreinte écologique. Par contre, quand on prend l'avion 10 fois par an, quand on a une voiture, quand on achète 10 smartphones sur une vie et 15 ordinateurs, bah, notre empreinte écologique, elle est plus grande parce qu'il faut consommer, il faut aller chercher les ressources, il faut aller chercher du pétrole. Et donc cette empreinte, elle grandit. Et il s'est passé quelque chose dans les années 60, je pense que c'est dans les années 80. Dans les années 60, en 73, la totalité des empreintes écologiques de la planète ont dépassé la surface disponible. Donc vous voyez, la Terre, elle a une certaine surface, qui est d'un certain nombre de kilomètres carrés, je ne sais plus si c'est 300 000 dans sa Belgique, peu importe. Et bien, l'ensemble des empreintes écologiques de tout le monde ont dépassé la surface disponible. Ça veut dire que, tous ensemble, on utilise plus de ressources que ce que la planète ne peut en donner. Et ça s'est passé dans les années 70. Et ce petit robinet, il vous symbolise ça. Donc si je le mets sur les années 70, ici, ça, ce que ça représente, c'est le pourcentage de ressources sur la Terre. Donc quand on est à 0%, bah, la Terre, les ressources sont vides. Quand on est à 10%, enfin 25% ici, 25% de ressources, 50%, 75% et 100%. Et dans les années 70, chaque année, on consomme l'entièreté des ressources qui sont disponibles sur Terre. Et depuis cette date-là, depuis 1973, chaque année, on consomme un peu plus rapidement. Donc il y a un terme qu'on appelle la date de dépassement, overshoot day en anglais. C'est la date dans l'année sur laquelle on dépasse les ressources disponibles pour l'entièreté des habitants de la Terre. Et chaque année, cette date, on va un petit peu plus vite à la consommer. Chaque année, on consomme un petit peu plus vite le pétrole, le bois, la nourriture, l'eau, que normalement, on doit se dépenser sur toute une année. Et donc notre empreinte écologique, chaque année, elle est un petit peu plus grande et elle dépasse un petit peu plus les limites de la planète. Et est-ce que vous trouvez ça normal ? Je sais que c'est théorique, c'est compliqué, mais c'est pas une question de normal ou pas, c'est une question de fois qu'on n'a pas le choix. Enfin, mais non, mais on est beaucoup plus sur la Terre à chaque fois. Même s'il y a des gens qui meurent, bah il y a quand même une surpopulation de la Terre. Et à un moment, si on veut que tout le monde ait quelque chose, bah les ressources de la Terre ne deviennent pas assez, quoi. Vous pensez qu'il va se passer quoi si... Et est-ce qu'on a vraiment le choix ? Ouais, on n'a pas le choix, d'accord. Tout le monde doit bien avoir un morceau du gâteau, ça, ok, mais si on continue comme ça, il va se passer quoi ? C'est quand même pas très cool. Et on dit on n'a pas le choix, mais vous allez voir à côté, on va se rendre compte que la consommation, l'empreinte écologique, elle n'est pas du tout la même. Ici, en Afrique, en Asie, en Amérique, c'est nous, en Europe et aux États-Unis qui consommons le plus. Un gars qui est en Afrique et qui est tranquille dans sa case, ou un mec en Asie qui est pêcheur, bah lui, l'empreinte écologique, il fait rien du tout. Hein. Donc je sais pas si on n'a pas le choix, mais en tout cas la manière dont nous on vit, ouais, on n'a pas le choix. Sur un autre mode de vie, il y a le choix, ouais. Ça va, vous comprenez ce qui se passe là ? Qu'est-ce qu'on... Hein ? Bah oui, on se rend compte que les ressources sur la Terre, elles sont limitées comparées au nombre de personnes qu'il y a. Donc il y a un moment où il faut réfléchir à, comment dire, à modérer ce qu'on consomme. Donc, voilà. Mais vous avez compris comment ça se fait qu'on arrivait d'une société... D'avant à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous comprenez ça ? Bah, il y a un moment où, enfin, je pense que les gens se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités. Ils ont commencé à surexploiter les richesses de la Terre. Donc, je pense que c'est ça, parce que c'est pas partout que c'est comme ça, comme Monsieur l'a dit. Dans certains pays, c'est pas ça. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont profité un peu plus que d'autres. Non, parce que c'est bien que la ligne puisse être étendu. Mais la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que ce que je vous ai présenté, ça vous choque ou est-ce que vous trouvez ça normal? Ça me choque, c'est là, et je trouve ça normal, c'est là. Tout ou... Mais qu'est-ce qui... En sortant de là, est-ce que tu te sens révolté ou est-ce que tu te sens, ouais, chill, je le savais, en fait, c'est normal Ah non, je me mets au milieu. Donc ceux qui sont révoltés, ceux qui sont fâchés, ils vont là, et ceux qui... ceux qui sont au milieu, ils sont entre les deux, quoi. Le milieu, c'est ici. Quelle sensation tu ressens? Donc il n'y a personne qui est révolté, vous êtes tranquille et tout. Bah, on le savait déjà, parce que... Il y a des choses, c'est normal, hein, on ne peut rien y faire. Et il y a quand même quelques-uns qui sont chill, on est bien. Les gars. Ok. Non, allez, c'est bien. Et donc si vous êtes ici, c'est que vous êtes comme, vous n'êtes pas révolté, mais vous êtes un petit peu... Entre les deux. Ouais. Et pourquoi? C'est pas vraiment choqué. Bah, parce qu'il y a des choses qu'on le savait, il y a des choses non, donc il y a des choses qui nous choquent peut-être un peu plus que d'autres. Et qu'est-ce que tu savais par exemple? Bah, internet et tout, je savais que les arrière-grands-parents n'en avaient pas, qu'ils n'avaient pas de loisirs, rien. Et? Bah, ils ont pas. Bah non, parce que eux, c'est pas comme si nous maintenant on en serait privés, vu qu'ils ont jamais vécu avec, bah ils peuvent pas se plaindre de pas l'avoir. Exactement. Enfin, pour eux, c'était une vie normale. Ça, c'est pas choquant, mais c'est intéressant de savoir que quand même, ça a pas toujours été comme maintenant, quoi. Tu vois, quand. Ouais, moi j'ai parfois eu du mal à comprendre ça, tu vois. On se dit que la vie était très très différente, et même il y a 20 ans, elle était très très différente. Enfin, si vous le saviez, tant mieux, mais moi les mentalités ont complètement changé. Il y a des trucs. Ouais, voilà. Même d'une génération de maintenant, ça a changé. Entre des petits, des moyens, des grands. Ouais, c'est vrai. Et sur l'empreinte écologique, ça vous choque pas de se dire que maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, avec l'eau et tout, non? Avec l'eau. Ah ouais, moi ça me choque ça. Ta vie en tant que telle, quel impact elle a sur l'environnement mondial? Ah ouais, moi je suis là. Moi ça c'est choquant, je me mets au plus choquant du choquant. Moi, je me mets là. De vous dire que... là t'es dans la pièce d'à côté même. De vous dire que chaque année... Donc chaque année, on est quelques jours... Chaque année, on est quelques jours un petit peu plus rapide à utiliser toutes les ressources de la planète. Donc c'est même pas, tu vois, comme si on avait fait un truc mal et que maintenant ça allait mieux. Chaque année, on fait un petit peu pire, quoi. Bon, c'est toujours juste intéressant à savoir. C'est tout. Et maintenant, je vous pose une autre question. Remettez-vous en groupe. Et après, vous ferez faire un petit tour. Est-ce que... Peut-être, bon, maintenant, si vous trouvez que c'est pas grave et tout, alors effectivement, c'est pas évident de répondre à la question. Mais est-ce que vous trouvez que vous pouvez faire des choses dans vos vies qui vont avoir un impact? Ou est-ce que vous pensez que c'est impossible et que vous avez vraiment aucun pouvoir? Ceux qui pensent qu'ils sont impossibles et qu'ils ont vraiment aucun pouvoir, ils doivent aller se mettre là-bas. Et ceux qui pensent qu'ils ont un pouvoir... Ouais, c'est difficile d'avoir un impact sans bouger, quoi. Ouais. Toi, t'es dans... Là, t'as le ventre mou, là. Tu te dis, ouais... Pas trop bouger, hein, parce que... Moi, c'est vraiment... dans des cadres. Attends, là. En fait, il y a tout le monde qui vient ici. Non, il y a quand même quelqu'un qui reste là. Et donc, tu dis... Tu veux expliquer pourquoi? Non, mais moi, je dis... on peut changer les choses, mais c'est seulement si on décide de se bouger les fesses. Et on peut pas les changer tout seul, il faut qu'on soit plusieurs. Exemple, si par exemple on aurait été tout seul là et qu'on aurait été tous avec Xavier, bah ouais, c'est pas possible. Si on veut pas changer, si on veut pas se bouger, bah ça a rien alors. Donc on peut, mais si on veut seulement. Comment? Est-ce que tu sais, est-ce que t'as une idée? Comment tu pourrais faire toi dans ton petit monde maintenant, sans faire bouger toute la Belgique, toute l'Europe, tout le monde entier? Déjà en faisant des petits gestes, je sais pas, par exemple, on disait avec. C'était quoi déjà? Le truc avec. C'était quoi? C'est. Non, mais déjà on parlait à quelques personnes pour essayer de réunir un petit groupe et essayer de faire bouger les choses, mais à plusieurs, parce qu'à tout seul, c'est clair que c'est impossible. Il y a beaucoup trop. Toute seule chez toi tous les jours, il n'y a rien que tu puisses faire pour modifier ça. Si par exemple, je roule moins en voiture pour moins polluer, bah, voilà. C'est pas moi qui vais changer. S'il n'y a que moi qui réduis. Plus tard, dans 10 ans, on verra pas la différence. Mais non, mais même en faisant rien que, par exemple, aller à l'école en vélo ou alors utiliser moins d'eau, utiliser moins d'électricité, rien que ça, rien que des petits gestes, bah pour nous, ça a l'air petit, mais rien que ça, ça peut changer. Et si on fait ça tous les jours et si on dit aux autres de le faire, bah voilà. Et est-ce que vous pensez que c'est des trucs chiants ou que ça peut être des trucs agréables et rigolos dans la vie de changer? Mais c'est toujours des trucs chiants, mais on peut les transformer en trucs agréables. Ça dépend comment on change la chose. Faire du vélo, c'est pas toujours très marrant, quoi. Non, surtout bah, quand si, tu neiges, genre, par exemple, tu vois. Bah, faire du vélo, c'est peut-être pas marrant, mais si tu le fais à plusieurs, ouais. Voilà. Ce serait intéressant d'entendre aussi Xavier, ouais. Qui est là, qui se positionne en face de... tout seul en face du groupe. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul, toi? En fait, toi, tu penses quoi, alors? C'est quoi sa pensée à lui? C'est que lui... La question, c'est, on peut changer ou on ne peut pas changer les choses? Et Xavier est quand même modéré, il trouve qu'on peut pas trop changer les choses, quoi. Bah, on peut changer, mais...